Mais je te l'ai dit, l'an prochain, je m'avais mon propre truck. Je m'en avais un maudit truck. Je m'en vais bulldozer mon terrain. Comme je veux. Pouce par pouce. Mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. Hein? Ça prend une souffleuse. C'est ça. C'est ça. C'est des blancs, là. Ils m'ont ruiné mon affaire net. Mais puis, il faut y aller sur place pour faire de la raison. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de souffleuse. Fait que je le comprends, pis c'est pour ça que, tu sais, je peux pas dire au gars, m'amène ta souffleuse, il n'y en a pas de souffleuse. Fait qu'il a tout déboîté mon terrain. C'est effrayant. Je prends la peine de dire à ma petite fille, passe pas sur le gazon autour de la maison, devant la maison, passe, il y a assez de terrain, là, détruis pas, brise pas la nappe, là, la belle nappe blanche, là. Elle comprend ça, elle est assez sensée à comprendre ça. Mais ça revient tout à ta sensibilité. C'est pour ça que plus tu tombes dans l'intérêt. Parce qu'ils te parlent eux autres. Alors. Quand ils disent c'est un sans-dessin, ben toi tu vibres le sans-dessin. Tu vibres le sans-dessin. S'ils disent c'est un sans-dessin de faire ça, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais tu vibres du sans-dessin, mais tu rebalances avec le fait qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Fait que l'an prochain, tu t'arranges pour avoir un comment ça s'appelle? Tu peux aussi des poussins. C'est une souffrance. Fait que plus on grandit dans l'intelligence, bien plus on est susceptible de souffrir. Fait que qu'est-ce qui arrive au bout de ça? Tu veux privé. Avec une grosse enseigne privée. Ça vient de là, le privé. Je disais l'article aujourd'hui, Paul Newman, il s'en va dans un restaurant, toutes les femmes veulent. Ouais, montrez-les dans. Ils veulent, toutes les femmes veulent qu'il enlève ses lunettes pour qu'il voie ses yeux. Maintenant, le gars, il peut pas aller pisser, il faut qu'il envoie ses lunettes. Ses yeux. Pas une vie. Fait que là, c'est rendu qu'il veut. Il va plus dans la réception, puis il va plus dans un restaurant, puis il va pas en public. T'enfermé chez eux. Fait que c'est de. Quand t'es dans l'intelligence, t'es content d'être enfermé, mais quand t'es pas conscient, c'est pas le fun d'être enfermé. Ça, c'est la strat. Comment est-ce que... Tu sais, le petit noir américain, le nègre, là, le comédien, là. Petit, là. Sammy Davis Jr. J'étais dans un hôtel à Montréal, puis Sammy Davis Jr. s'était trompé, il m'a appris pour un autre. Puis il arrive, puis il me donne une tape sur l'épaule, comprends-tu? Puis il dit, il pensait que j'étais Paul, quelqu'un qui connaissait. Ça m'a donné un choc. Je dis pas moi, Paul. Dans, si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait tombé sur le cul. C'est le gars qui aurait tombé sur le cul. Parce que les gens, ils souffrent du vedettisme. J'ai dit, pas moi, Paul. J'ai dit, almost broke my goddamn shoulder. J'ai dit, with your humor. Il s'est excusé. Il t'avait vu trouver son Paul. Là, d'un coup, j'entendais parler. Ça, Sammy Davis, Johnny, Sammy Davis. Tu sais, il m'a pris les femmes, les gars, regardaient Sammy Davis. C'est comme le Christ qui arrivait à la fin. Frère, les gens n'ont plus d'identité. Fait que c'est ça qu'éventuellement on va être privé. Mais être privé. Ah, c'est je vais en parler de ça. Vivre privé, c'est pas facile. Tant que t'es pas dans ton intelligence. Parce que l'astral est toujours là. Tu sais, vivre à l'intérieur de tes frontières, là, faut que tu sois bien dans ton intelligence. Sans ça, tu vas pouvoir aller au coin, au club, ou. Tu sais, on dirait que tu veux toujours sortir. Vivre sur un île, là, bien claqué là, avec tes vibrations, tes affaires pendant 10 ans sans sortir de là, je te jure, il faut que tu sois bien dans ton intelligence. Fait que vivre privé, c'est pas aussi facile que les gens pensent. Quand tu l'as vu, ouais. Quand t'as la vibration de vivre privé, il y a rien que ça qui compte. Puis ils disent que plus tu deviens occulte, dans le sens que occulte, là, intérieur, là, mais plus tu veux vivre privé. Fait qu'aussitôt que tu sors de tes lignes, t'es sans vibration. Puis ils disent que quand on va vivre dans notre privé, là, notre privé va être tellement privé. Que. Ça va être très difficile d'accès. Très difficile d'accès. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut que les personnalités soient réellement désengagées. Parce qu'ils vont choisir des sites dans le monde qui vont être tellement optimales sur le plan esthétique, sur le plan environnemental, qu'on ne voudra pas revenir